tous, fidèles auditeurs de la Radio Sanganilo. Bienvenue à cette édition de la mi-journée, dont voici d'abord les grands titres. Après 5 ans en Ouganda, l'artiste burundais Thomas Nzeyimana, connu sous le nom de Mukombozi, est rentré au pays. Mukombozi se dit satisfait de l'étape franchie par l'industrie musicale de son pays. Jusqu'au 22 juillet, le district sanitaire de Kilimba, en province Burundi, Ngozi, a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19. Le rapport du ministère de la Santé de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi recommande la mise en place des équipes de surveillance de la COVID-19. Le plafond d'engagement des dépenses du premier trimestre exercice 2021-2022 a été validé par le Conseil des ministres. Ce même conseil a en outre recommandé de tenir compte des trimestres suivants au cas où les dépenses de 25% prévues pour chaque trimestre seraient dépassées. Yvette Nidjumbel était la présentation de ce journal. Alphonse Koubguiman en assure la mise en onde. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Encore une fois, bienvenue. Le Conseil des ministres tenu ce 22 juillet à Gitega a validé le profond engagement de dépenses du premier trimestre exercice 2021-2022. Le paiement des arriérés en rapport avec l'assistance aux indigents, la gratuité des soins et la carte d'assurance maladie n'est pas opérée dans le budget général annuel alloué au ministère ayant en charge la santé et la solidarité. Ce conseil a en outre recommandé de tenir compte des trimestres suivants, au cas où les dépenses de 25% prévues pour chaque trimestre seraient dépassées. Suivez les explications de Prosper Nogwamiye, secrétaire général de l'État, et a lu le compte rendu. Ces engagements se font en fonction des encaissements. Ces plafonds d'engagement qui sont conformes au plan de trésorerie de l'État concernent toutes les dépenses de l'État, sauf celles qui ont un caractère obligatoire et incompressible, comme les dépenses de salaire et de la dette. Ainsi, au cours de la gestion budgétaire 2021-2022, le rythme des engagements sera fonction du rythme d'encaissement des recettes. Après échanges et débats, ces plafonds ont été adoptés avec, entre autres recommandations, de bien gérer les crédits accordés en respectant les plans d'engagement budgétaire des ministères qui doivent se référer au plan d'action. Si le plafond trimestriel de 25% du budget annuel est dépassé, il faudra en tenir compte au cours des trimestres suivants pour éviter de créer un déséquilibre et des dépassements budgétaires. Dans ce budget 2021-2022, il faudra accorder un budget de fonctionnement au commissariat général des migrations ainsi que les départements inspection, finance et administration et protection violence basée sur le genre du ministère en charge de la solidarité nationale qui ont été oubliés. S'agissant des factures impayées en rapport avec l'assistance aux indigents, la gratuité des soins et la carte d'assurance maladie, leur paiement n'est pas opéré dans le budget 2021-2022 alloué au ministère en charge de la santé publique ou de la solidarité nationale. Il est par ailleurs nécessaire d'étudier les causes à la base de ces arriérés. Il faut déterminer qui est indigent et actualiser les statistiques chaque année, d'autant plus que l'indigence peut ne pas être permanente et que des tricheries sont observées. Il faut élaborer des statistiques chaque année sur les personnes concernées par la gratuité des soins. Il faut fixer des délais pour l'achat de la carte d'assurance maladie pour éviter qu'elle soit achetée quand quelqu'un tombe malade et appliquer des pénalités pour les retardataires. Les ministres en charge des Affaires sociales, de l'Intérieur et de la Justice sont appelés à étudier les stratégies pour éradiquer le phénomène enfant de la rue. Le ministère ayant la communication dans ses attributions compte insérer dans la loi Régissant la presse, réaménager au Burundi des articles donnant accès à la révision des contrats des employés des médiums. Lors de l'ouverture de la radio communautaire CDN Nijuya Chibitoke, le ministre Marie-Chantal Nijumbele a exhorté aux responsables des médias de bien traiter les journalistes tout en demandant à la population à bien collaborer avec ces derniers. Il s'observe actuellement plusieurs jeunes qui exercent la couture dans la ville de Luyigi, parmi ceux qui ont des diplômes exerçant ce métier. Certains disent avoir fait de ce choix par manque d'emploi escompté. D'autres font savoir que l'argent leur fait défaut pour poursuivre l'enseignement universitaire. Même s'ils exercent ces métiers qu'ils disent prometteurs, ils s'indignent qu'ils n'aient pas de moyens pour s'acheter des machines indispensables dans ce métier. L'administrateur de la commune, Louis-Guy, conseille ces jeunes à travailler en groupe afin de pouvoir solliciter des crédits à la banque des jeunes. Vous ratez l'essentiel. À 13h passées d'une minute dans les studios de la radio Sanganilo, page santé de cette édition, un relâchement de gestes et barrières pour se protéger du coronavirus est constaté dans les riz et les transports et les moyens de transport en commun en mairie de Bujumbura sur les parkings de bus. Le masque n'est qu'un lointain souvenir. Certains des passagers regrettent ce relâchement. Charlie Makoto, reportage. Il est 16h, nous sommes au centre-ville Bujumbura. Beaucoup de gens se dépêchent pour pouvoir prendre le bus et rentrer à la maison. Sur les parkings, certains des passagers font la queue en attendant le bus, alors que les autres ont eu la chance d'en trouver un et se précipitent d'entrer. Personne d'entre eux ne porte le masque. Cette femme regrette le relâchement observé chez la plupart des passagers quant au port de masque. Pour les citadins, moi je leur donne un conseil de se rappeler de porter le masque parce que le Covid est partout et tu ne peux même pas reconnaître quelqu'un qui en souffre. Il faut qu'ils prennent en compte les conseils des chargés de la santé. Ils ont négligé les mesures barrières pour se protéger du Covid-19. Peu de gens portent le masque. Même ici en ville, le commerce des masques a régressé. Même les gestes sanitaires élémentaires semblent avoir été oubliés par une grande partie de la population. Durant le temps que nous avons passé sur le parking de bus de la mairie de Bujumbura, aucun passager ne s'est lavé les mains. Chukuru est chauffeur. Il indique que beaucoup de passagers ne comprennent plus la nécessité de se laver les mains. Il y a ceux qui se rappellent de voyager avec les masques et ceux qui ne s'en rappellent pas. Mais nous, ici, l'ordre est qu'avant d'entrer, il faut se laver les mains. Parfois, les clients refusent. Et qu'est-ce que nous pouvons en faire? Nous leur conseillons d'emporter. Parce que le coronavirus, c'est une pandémie. Il faut qu'ils respectent les mesures barrières. Le ministère de la Santé a récemment annoncé que les cas de la COVID-19 ont sensiblement diminué au Burundi, mais que dans les pays limitrophes, la pandémie de la COVID-19 a refait surface. Merci Charles Makoto. Toujours dans la page santé, le district sanitaire de Kilimba en province Ngozi a enregistré jusqu'au 22 juillet le plus grand nombre de cas COVID-19. Selon un rapport du ministère de la Santé de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, le même rapport recommande la mise en place des équipes de surveillance de la COVID-19 du niveau des hôpitaux communaux. D'autres détails de ce rapport avec Mireille Kanyang. Ce rapport du ministère de la Santé de l'Organisation mondiale de la santé Burundi, rédigé et publié le 22 courant, montre que sur 110 nouveaux cas rapportés jusqu'à cette date, 104 cas communautaires sont rapportés et 6 cas importés proviennent de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et des Émirats arabes unis. Selon un tableau de répartition des cas communautaires par district, 26 cas ont été enregistrés au district Bujumbura Centre, 3 cas au district Bujumbura Nord, 39 cas au district de Kiremba en province Ngozi, 22 cas à Kirundo, 10 cas à Muyinga, 2 cas au district sanitaire de Bururi, 1 cas pour le district sanitaire de Chibitoke et 1 cas pour le district sanitaire de Kayanza. Au 21 juillet de cette année, le Burundi rapportait 2300 nouvelles personnes testées. Parmi celles-là, 110 nouveaux cas de COVID-19, 152 tests de contrôle effectués, dont 65 personnes guéries. Comme défi relevé par le rapport, c'est notamment la recherche active des cas suspects pour le dépistage des contacts des cas confirmés et probables pour un suivi journalier approprié. Comme recommandation, c'est la mise en place des équipes de surveillance de la COVID-19 au niveau des hôpitaux communaux, le renforcement de la surveillance de la COVID-19 par l'implication des agents de santé communautaire, assurer la disponibilité constante en intrant des laboratoires pour le dépistage. Merci Mireille Kanyangé. C'est regrettable que les gens ont dit relâcher en ce qui est des mesures barrières. C'est sans des propos du ministre de la Santé publique. Tade Ndikumana rappelle que le COVID-19 se vit toujours au pays et appelle la population burundaise à la vigilance. On l'écoute. Nous remercions le bon Dieu parce que, contrairement aux autres pays, les cas de COVID-19 ont diminué sensiblement dans ces jours à travers tout le pays. Mais nous regrettons que pendant que les cas diminuent, la population se relâche et n'observe plus les mesures de barrières, les mesures d'hygiène, surtout le fait de se laver les mains le plus souvent possible par jour, mais aussi le fait de ne pas se saluer en se serrant les mains, en s'embrassant. Et nous constatons qu'il y a un relâchement, malheureusement. C'est dommage parce que c'est au moment où les cas diminuent sensiblement qu'on devra redoubler d'efforts pour se protéger, protéger les autres à travers les mesures et barrières. On interpelle la population à ne pas se lasser, mais plutôt à être vigilante parce qu'autour de nous, la pandémie de COVID-19 refait surface. Il y a la recrudescence des cas. Et c'est l'aubaine pour nous pour pouvoir plutôt appuyer la campagne qui a été lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Profitons de l'occasion aussi pour porter à la connaissance du public qu'actuellement les équipes d'intervention rapide sont dans la mini-campagne dans les districts sanitaires de Kiremba, Ngozi et à Kirundo, parce que là on avait vu qu'il y a des gens qui viennent à travers d'autres frontières. Il y avait un recrudescence des cas et nous avons voulu une mini-campagne pour juguler la recrudescence des cas. Mais à travers tout le pays, nous avons un répit, une diminution sensible. Mais c'est de là qu'on demande à la population, plutôt au niveau communautaire, de continuer à élever les mesures d'hygiène, les mesures de barrières, pour que d'ici 3 mois, on ne puisse pas reconnaître la recrudescence comme il y en a dans d'autres pays. L'artiste Thomas Nzeyimana, connu sous le nom d'Omkombozi, est rentré au pays. C'est dans l'après-midi de ce vendredi qu'il est arrivé après 5 ans en Ouganda. Dans une interview accordée aux journalistes, il se dit satisfait de l'étape franchie par l'industrie de la musique au Burundi. Il indique que cela lui facilitera la tâche dans ses prochaines productions. On l'écoute. La musique burundaise continue d'évoluer. Le problème est de stagner. Mais quand je vois qu'en mon absence, d'autres chanteurs ont poursuivi leur production, ça m'enchante car, à mon tour, j'irai directement sur cette bonne lancée. Je ne recommencerai pas à zéro. Poursuivons notre édition de la page diplomatie, construire les centres de santé, les hôpitaux et contribuer dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Tels sont certains des projets que la diaspora burundaise a exécutés au Burundi. Cela a été dit ce samedi par le président de l'association de la diaspora burundaise lors de lancement de la journée sportive organisée par la diaspora burundaise. Jafet Le Gentil, dans Ishimiye, fait savoir que 6% de la population burundaise vit à l'étranger. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane. Cette journée a été organisée dans le cadre de la semaine de la diaspora. Chaque année, au mois de juillet, on est invité par le gouvernement du Burundi pour nous retrouver au Burundi, voir la situation sécuritaire, économique et sociale et avancer ensemble. Et pour le moment, votre association, le groupe est combien de membres ? C'est pas seulement une association, c'est une plateforme. Nous soutenons tout Burundais qui est à l'étranger, c'est-à-dire que les Burundais de l'étranger représentent 6% de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 000 qui avoisinent 4 000 personnes qui sont déjà présentes sur le territoire burundais. Ils sont éparpillés ici et là, en train de fêter, en train de faire des activités de développement, soutenir les amis. Et ces Burundais qui vivent à l'étranger, ils contribuent comment dans le développement du pays ? Certains ont des projets palpables, comme les hôpitaux, les centres de santé, les programmes de développement, l'agriculture et l'élevage. Il y en a aussi qui viennent avec l'argent dans leur poche pour partager avec les amis. C'est la monnaie burundaise qui retrouve sa valeur. Quelle sera la valeur ajoutée de cette journée sportive que vous avez organisée aujourd'hui ? La valeur ajoutée est que la population burundaise en profite. Les Burundais eux-mêmes en profitent. Et nous qui venons au Burundi, nous en profitons aussi. C'est tout le monde qui en profite. Ouais. Et quel appel assez à la population qui vit à l'étranger ? Travailler ensemble avec les Burundais, promouvoir l'unité, l'amitié, être tout le monde dans le même bateau pour le développement du Burundi, le pays natal. C'est par ici que prend fin ce journal. Nous vous remercions vous tous qui étaient à l'écoute. Merci à Alphonse Kubimana pour sa parfaite collaboration technique. Vetteni Djembele qui est au micro, vous souhaite passer une bonne journée. Dans un instant, c'est la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. 5 ans après l'enlèvement, le mystère reste entier, titre le journal Iwachu en une de sa parution de cette semaine. Allusion faite ici à la disparition le 22 juillet 2016 du journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu. L'éditorialiste de cet hebdomadaire titre aussi « Nyakamwe n'est pas seul » du nom du père de Jean Bigirimana, celui que la famille appelle John. Oui, John est dans nos cœurs, plus vivant que jamais. Comme le disait son père à l'équipe qui était allée à Tchankouzo réconforter la famille à l'occasion de ce triste anniversaire. L'éditorialiste du journal Iwachu lance « Il est gravé quelque part en nous, imprimé dans nos actions ». Il nous rappelle que notre travail comporte des risques, que chaque reportage, chaque enquête est un exploit, qu'il faut braver la peur pour faire du bon travail. Jean fait partie de l'histoire d'Iwachu, de l'histoire de la presse burundaise. Il a payé le prix fort, il serait décevant de le décevoir, de nous décevoir, écrit l'éditorialiste du journal Iwachu, et continue. Que Jean Bigirimana soit le symbole de cet engagement à faire du bon journalisme pour la liberté de la presse, pour le droit à l'information de chaque citoyen burundais. Et de conclure en disant à M. Nyakamwe, laissez-les, non, vous n'êtes pas seul. Crise financière à l'ONATEL, les employés en payent en lourd tribut, constate Burundi Echo. Ce journal rappelle que le matin du mercredi 21 juillet 2021, ces employés de l'Office national des télécommunications ont observé une demi-heure de grève pour enfin briser le silence et de faire entendre leur voix tout en restant au travail, puisque 4 mois viennent de se passer sans qu'ils ne perçoivent leur salaire. Son confrère fait remarquer que depuis de nombreuses années, cette société pionnière dans le secteur des télécoms au Burundi poursuit sa descente aux enfers. Depuis l'introduction du téléphone mobile au Burundi, les ventes de la téléphonie fixe ont drastiquement chuté. Le chiffre d'affaires de l'ONATEL est passé de 10 milliards de francs burundais en 2015 à 5 milliards de francs burundais seulement en 2019, soit une baisse de 50%, détaille ce journal. Entre-temps, relève cet hebdomadaire socio-économique, les autorités assurent être à la recherche des solutions durables à ces problèmes, mais... ce journal constate qu'entre inquiétude et promesses, le suspense perdure. Revue de la presse. Des parents en quête de l'occupation des enfants en vacances, écrit la voix de l'enseignant. Dans le but d'occuper les élèves en vacances d'été, différentes organisations en mairie de Bujumbura organisent différentes activités à leur intention. Il s'agit des activités sportives, d'assainissement des rues et des activités de moralisation comme débat sur les grossesses non désirées, le tabagisme, le sida, etc. Son confrère affirme que les jeunes rencontrés se disent intéressés et en profitent doublement. Quant aux parents, ils disent que l'encadrement leur est très utile car pendant la journée, les enfants sont sécurisés d'une part et ils sont intellectuellement encadrés d'autre part. Tout n'étant pas rose, écrit ce journal, un responsable scolaire parent regrette, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation, qu'il y ait des enfants qui restent à la maison par manque d'argent à payer aux organisateurs et demande aux autorités administratives de trouver un encadrement non payant. Que cherche la cour d'appel de Makamba en reportant de nouveau le procès contre le procureur de Bururi, s'interroge Net Presse. Alors que le procès contre Agricole Ndaitwayeko, ancien procureur de la République dans la province de Bururi, était prévu mercredi 21 juillet à la cour d'appel de Makamba, au sud du pays, Ce quotidien en ligne révèle que la session a été reportée au 28 juillet pour des raisons qui n'ont pas été portées à la connaissance des membres de la famille de la victime. Ce confrère rappelle que cet homme est poursuivi pour avoir tabassé le 21 mars dernier une jeune fille, Thierry Vevitangimana, élève au lycée communal de Nyanzalak. Celle-ci aurait refusé de coucher avec lui, selon les témoignages sur place. 4 mois après l'infraction, le procès vient d'être de nouveau reporté pour la semaine prochaine, précise Net Press. Enfin, l'agence burundaise de presse dresse le parcours d'un certain Athanase Bizimana, menuisier, parvenu à se construire une maison en mairie de Bujumbura dans une parcelle achetée sur ses frais, obtenue grâce à son métier. En effet, détaille son quotidien gouvernemental, Athanase a commencé avec un capital de 107 planches reçues de la part du centre jeune Don Bosco de Buterere à l'occasion de la remise des certificats de fin de formation dans ce centre et a même monté un atelier au quartier neuf de la zone Ngagara avec 11 employés. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.